traversé tant de pays, je suis revenu ici, ici. Trouvant de soi-disant copains, toujours la bouteille à la main. La vie ne m'a pas fait de cadeau, mais je ne lui tourne pas le dos. J'avance toujours vers d'autres lieux, cherchant ce qui me rendra heureux. Faut-il croire au destin quand il te tient la main? Faut-il croire au soleil, au ciel, à l'arc-en-ciel pour avancer plus loin? Faut-il croire au bonheur quand il te prend le cœur? Faut-il croire au beau jour? Au pardon, à l'amour. Quand plus rien te retient, j'ai marché le long de grandes routes avec toujours le même entrain. Effacer coûte que coûte mes souvenirs enfouis au loin, très loin. Sur les accords de ma guitare, j'ai composé tant de refrains. Laissant la vie et les histoires glisser sur moi jusqu'au matin. Faut-il croire au destin quand il te tient la main? Faut-il croire au soleil, au ciel, à l'arc-en-ciel pour avancer plus loin? Faut-il croire au bonheur quand il te prend le cœur? Faut-il croire au beau jour? Faut-il croire au destin quand il te tient la main? Faut-il croire au soleil, au ciel, à l'arc-en-ciel pour avancer plus loin? Faut-il croire au bonheur quand il te prend le cœur? Faut-il croire au beau jour, au pardon, à l'amour? Quand plus rien te retient. Rien te retient. Quand plus rien te retient, non plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Quand plus rien te retient.